soit le soin de bon Francis. Tout ce que vous voyez, Franck, rassurez-vous que la face est soi. Donc il n'est pas question d'acheter parce que vous avez vu le bouchon rouge ou alors parce que vous avez vu la petite boîte. Rassurez-vous que c'est le bon François que vous achetez et non le bon Français ou Francis. Voilà, et je reviens aussi pour ajouter quelque chose sur l'une de vos préoccupations, et je dirais les préoccupations phares. Voilà, où est-ce qu'on peut trouver le bon François? Le bon François, on le trouve uniquement entre les mains des distributeurs habillés en polo et casquette rouge. Bon François ne se trouve pas entre les mains des vendeurs de revêt. Ça ne se trouve pas chez les visiteurs, ça ne se trouve pas chez les consommateurs. Ça se trouve uniquement.